qui est à ta poursuite, ou alors cette fuite, elle t'excite. Tu sembles vouloir tout, là et tout de suite, je comprends pas. Il y a eu toutes ces vilaines guerres, t'as reconstruit, t'as combattu la misère, t'as bâti une nouvelle ère, tu es devenu prospère. L'avenir est tout beau et tout clair, c'était bon ça. L'appât du gain t'a ensorcelé, publicité, consommation, sans nécessité. La planète tu l'as pillée et souillée, tu vas dans le mur et tu le sais, mais ne t'enfuis pas. Faut que tu t'arrêtes, que tu affrontes ton passé pour rebâtir, choisir d'autres priorités, faire un avenir d'une nouvelle beauté. Ressaisis-toi.